Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue à Entrepod, l'émission de FrenchPod où on parle de la francophonie, enfin de tout ce qui touche à la culture francophone. Alors aujourd'hui, on va traverser l'Atlantique par rapport à la France. On va se rendre de l'autre côté, en Amérique du Nord, car on va explorer un peu cette grande région où on parle français qui s'appelle le Québec. Alors j'ai ici dans le studio avec moi Jane. Bonjour Jane. Bonjour Amri. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça me fait plaisir de te recevoir. Je vais très bien. Merci de m'inviter. Donc, toi, tu nous viens bien de Québec, c'est ça ? Oui, le Québec, à Montréal. Ouais. Ok, exactement de la ville de Montréal. C'est ça, oui. Qui se trouve, et alors on va reprendre un peu le Québec. Où est-ce qu'elle se trouve, la région au Canada ? Le Québec, c'est dans l'est complètement du Canada, donc sur le bord de l'Atlantique. Et Montréal, c'est dans le sud, au niveau du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. Ok. Oui. Donc, je crois même que ça se situe sur une île. Oui, une toute petite île en plein milieu du Saint-Laurent. Magnifique. Et alors, moi, ça me fait plaisir de te recevoir pour deux raisons, parce que je suis né en Belgique, donc oui. On a un peu cette même vision par rapport en français. On n'est pas des Français purs. Non. On parle un peu notre français, quoique ça reste exactement la même langue, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est un français. On dit même que le français à Montréal, au Québec, en fait, c'est un français qui ressemble beaucoup à l'ancien français, qui serait un peu plus authentique, on dirait, du 17e siècle, quoi. Voilà, ouais, parce que les gens ont émigré, en fait, de oui. France à ce moment-là. Oui, et donc, un peu isolés du reste du monde, ils ont gardé ce vieux langage et... Oui. Donc, ces langues qu'on parlait à ce moment-là en France ont moins évolué, peut-être, au Québec, ou ont évolué différemment, en oui, tout cas. Oui, oui. Ouais. Et alors aussi je suis content parce que tu viens vraiment d'un ça c'est une différence entre nous, moi qui viens de la Belgique qui fait 30 000 km², et tu viens du Québec qui fait je sais pas combien de km², mais en tout cas c'est gros, oui, c'est gros. On peut mettre 3 fois la France dans le Québec. Ah oui. 50 fois la Belgique. Oh, pff, je ne savais pas ça, mais oui. C'est énorme. Mais on n'habite pas partout dans le Québec, hein. C'est des régions sauvages surtout, donc on est tous dans le sud, près du fleuve Saint-Laurent. D'accord. Oui. Parce que le nord, c'est... C'est froid. C'est froid. On ne veut pas rester là. Tu t'y es déjà rendu ? Oui, je suis allée jusqu'à la baie James, donc dans le nord. Et, quoi, c'est des forêts à perte de vue ? C'est la toundra, donc on passe la forêt boréale et tranquillement, les arbres sont de plus en plus petits. On n'est pas encore au pôle nord, il n'y a pas d'ours polaire, mais ouais. On est assez loin dans le nord. Ok. Oui. Parce que ouais, quand on me parle du Québec, ce à quoi je pense, c'est vraiment ce paysage, oui. Ces étendues, la nature doit être formidable, non ? Oui, c'est très varié, en fait. On a la faune laurentienne et ça change beaucoup de niveau à niveau. Comme je disais, on passe la forêt boréale et on monte dans la toundra et il y a tout à voir. Ouais. Au plus on va au nord, plus ça évolue, en fait. Ça devient de plus en plus... Plus sauvage. Voilà. Oui. Oui. Ok, de moins en moins de personnes. Oui, oui, on aime rester en ville. Mais sinon, il y a le Mont-Tremblant qui est pas loin de Montréal, c'est à peu près 2 heures et on peut s'y perdre, donc c'est très grand, il y a des ours. Et donc, comme c'est énorme, on va peut-être pas parler de tout le Québec, on va reprendre un peu la région du côté de Montréal. Oui. Donc là, on sait que c'est sur une île, c'est plutôt montagneux, c'est comment près de Montréal ? Bon, je vais pas dire n'importe quoi, mais non, c'est pas très montagneux, on a des petites montagnes, mais c'est pas les cordillères de l'Ouest, on a une montagne dans Montréal, qui s'appelle ouais. Le Mont-Royal, mais c'est plus comme une colline, quoi. D'accord. C'est pas très grand. C'est à peu près une demi-heure de marche pour monter au sommet. Ok, ouais, ça va. Mais donc, on peut pas skier. Ben, si on sort de Montréal, oui. Si on sort, on monte dans les Laurentides, on va à Mont-Tremblant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ski, mais... Donc, à 2 heures de Montréal, comme tu disais. Oui, à 2 heures de Montréal, il y a beaucoup de pentes de ski. De moins en moins avec le réchauffement de la planète. Grosse question. Oui. Mais donc, il suffit de faire 2 heures et on se retrouve... Oui, on se retrouve en nature. Avec des guillemets. C'est quand même touristique. Il y a quand même pas mal de stations. Et... Oui, oui, c'est ça. Donc, Et toi, tu fais du ski ? Tu t'y rends l'hiver ? Je fais de la raquette, en fait. Ah ouais ? Je fais beaucoup de raquettes. Je vais dans le sud de Montréal. Sinon, je vais souvent dans les Laurentides. Donc, c'est ce qu'il y a de plus proche, au fond, les Laurentides, si on veut aller sortir dans les bois. Là. Donc, D'accord. C'est ça. Donc, de la raquette. Je fais un peu de snowboard, mais ça fait beaucoup de bleu. Je suis pas très bonne. On se retrouve facilement sur le cul, sur le oui, derrière. Oui. Je vois exactement ce que tu veux dire, t'inquiète. Oui, en Belgique, est-ce que vous faites du ski ? Faut aller en France. En France, en Suisse. Oui, oui, les Alpes. Mais en Belgique, c'est pas assez haut, quoi. Mais bon, c'est pas comparable, les montagnes québécoises avec les Alpes, non, c'est différent. Hein. Mm-hmm. Il faudrait qu'on aille complètement dans l'ouest du Canada pour retrouver des grandes montagnes. D'accord, où il y a les montagnes rocheuses, c'est là-bas, alors. C'est ça, oui. D'accord. Mais bon, là, on revient, on est en été. Et donc, il fait quel climat là, à Montréal pour l'instant ? C'est sec et très chaud. Très chaud. C'est, fin août, c'est vraiment les grandes canicules. Tout le monde est sur les terrasses. On est obsédé avec les terrasses à Montréal. Ah bon ? Oui. Toutes les raisons sont bonnes pour avoir une terrasse. Et s'il n'y a pas de festival, on va fermer des rues pour le fun, juste pour avoir des terrasses. Et les restaurants, même s'ils n'ont pas des terrasses le reste de l'année, ils vont en avoir à ce moment-là. D'accord. Oui. Ça reste ouvert très tard, la nuit. Oh oui, oui. Les rues sont bloquées partout, donc c'est horrible d'avoir une auto à Montréal. Ouais, bien ça. Oui, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de festivals, beaucoup de fêtes culturelles aussi. C'est l'image que ça, c'est très vivant. Oh oui, en été, c'est le meilleur moment de venir à Montréal. D'accord. Oui. C'est le moment où tu conseillerais d'y aller. Absolument. Mi-juillet jusqu'à fin août, c'est là que tout se passe. Ouais. Donc il y a un festival de jazz, je crois. Le festival international de jazz, il y a les Nuits d'Afrique, il y a les francopholies internationales. Donc tous les artistes francophones du Québec surtout, mais internationales. Des chansons alors pour les des chansonniers, oui. OK. Qui viennent et donc à peu près 5 coins de rue qui sont fermés et il y a des scènes dans la rue et sur les trottoirs et ils jouent de la musique jusqu'aux petites heures du matin. Bien. Oui. Bien ça. Il n'y a pas un festival de comique aussi Oui, le Juste pour rire. Et c'est aussi en été ? Oui, c'est en été et donc ça, c'est formidable. La moyenne, c'est toujours 4-5 coins de rue de fermés et beaucoup de salles de spectacle. Il y a aussi des spectacles gratuits à l'extérieur. Toutes les raisons sont bonnes pour fermer les rues. D'accord. Et les gens essaient d'aller dehors, vivre dehors, comme il fait bon. Oui, on participe beaucoup. On a beaucoup de touristes, mais les Montréalais, en tant que tels, ils participent beaucoup à ces activités-là. D'accord. Ils ont l'air d'être bons vivants. J'en ai rencontré quelques-uns. Et j'ai un ami qui, pour l'instant, est parti vivre là-bas. Ça fait un an. Et il est très, très, très content. Oui, oui. Il vient de Belgique aussi. Il vient de Belgique aussi, ah, ouais. Oui. Et il est très heureux. Et alors, il était surpris par le fait qu'on ne parle pas plus anglais. En fait, vraiment, on parle beaucoup français quoi, en permanence là-bas dans la rue. Ou bien c'est tout indiqué en deux langues. Comment ça marche? Non, c'est indiqué seulement en français. D'accord. Seulement en français, comme les pancartes, les noms de rue aussi, c'est seulement en français. C'est la langue principale. Il y a aussi la loi 101 qui protège les commerces et tout ça. Donc, par la loi, il faut parler le français au milieu du travail, à l'école. Sauf les écoles anglaises, c'est sûr. Mais tout le monde parle français, de plus en plus. Donc, ça se perd pas du tout? Non, pas du tout. Mais il y a une grande communauté anglophone quand même. Ouais. On dit souvent qu'il y a deux centres-villes. Il y a le centre-ville francophone, il y a le centre-ville anglophone. Donc, un côté, on a les pubs irlandais et l'autre côté, on a les cafés français. Donc, tu choisis où tu veux te rendre. Oui, c'est ça. Donc, Mais il n'y a pas d'adversité entre les deux? Un minimum petit peu, quand même. Mais de moins en moins, je dirais. Mais c'est existant quand même. On dit les deux solitudes. Ok. c'est les paroles de Michael Jean, notre gouverneur général. Ouais. Oui, il y a donc deux solitudes à rejoindre. Parce qu'en même temps, le pays aussi a reçu une reconnaissance récemment vis-à-vis de l'État canadien, disant que le Québec était reconnu comme une région-nation, enfin avait un peu plus d'indépendance. Oui, bon, c'est... Au Canada. Oui, c'est très culturel. Donc les gens sont très attachés à leur histoire, à la culture française. Et on se bat toujours. Je ne sais pas pourquoi ils se battent encore, mais on se bat toujours pour protéger la culture française. Mais c'est bien, moi je trouve qu'il faut reconnaître, sans arriver à des extrêmes qu'on voit parfois dans d'autres endroits dans le monde où vraiment ça va trop loin. C'est bien de reconnaître sa culture, sa langue, et essayer d'arriver à un compromis parce qu'on peut toujours, comme vous le faites là-bas, arriver à avoir un endroit où on parle plus anglais, plus français, et en même temps on peut se mélanger à un moment. Oui. Tout le monde a au moins une base d'anglais, c'est sûr. Et souvent, ce qui arrive dans des coins plus anglophones de la ville, les gens vont se parler en anglais, mais avec un accent français. Donc, ils ne savent pas si l'autre personne parle français, donc ils vont essayer l'anglais. Mais, oui. Mais en général, on peut se débrouiller dans les deux langues quand même. On essaye, ouais. L'important, c'est d'essayer. Donc, tu crois aussi que la majorité des anglophones qui viennent habiter là-bas font aussi un effort pour apprendre le français? Oui, je dirais que nos anglophones ont une petite base de français. Ouais. Quand même. Et c'est quand même une sous-culture qui se maintient. Il y a encore des écoles qui sont entièrement en anglais. Ils sont minoritaires, mais existants. Et oui, Jen, une communauté anglophone existante qui cohabite dans cette belle ville de Montréal avec la communauté francophone. On peut donc imaginer la richesse et la diversité de cette ville. Richesse et diversité dont Jen va encore nous parler dans 2 semaines, puisqu'on se retrouvera avec elle pour parler encore un peu plus longuement du Québec et de Montréal. Voilà, c'est terminé. Surtout, n'oubliez pas la page de discussion. Nous attendons vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Je vous fais un gros bisou à tous. Très bon week-end. À très bientôt. Salut.